Numéro 13. C'est en haut. Ue desu. C'est en bas. Shita desu. C'est à droite. Migi desu. C'est à gauche. Hidari desu. C'est devant. Mae desu. C'est derrière. Ushiro desu. C'est ici. Koko desu. C'est là. Soko desu. C'est là-bas. Asoko desu. Partout. Soko ra ju. Nulle part. Doko mo. Beaucoup. Takusan. Un peu. Skoshi. Nombreux. Oi. Peu, peu nombreux. Skunai.